que tu fais toi, hein? Dis-moi tu rap ou t'assumes pas, tu fais de la pop ou de la zumba, tu fais de la frotrap ou de la rumba. C'est bon, j'ai assez dormi, du rap vieux, moi je veux être l'allégorie. M'arrêterai pas, c'est promis, même si on nous fout dans des catégories. Je fais pas du rap pour la street zère, je fais pas du rap pour les bourgeois. Mais quand je prends le mic, ils sont du père. Rafale de flow, tout le monde corda. Même ceux qui sont sous écrou, le hip hop Paris, y'en a pour tous les goûts. J'arrive en balle, je touche à tous les coups, je fais du sale sans arrêt, le rap pas bouge des goûts. J'suis dans le game maintenant, j'arrive pour prendre les devants. Ouais. C'est l'MC que tout le monde attend. DS arrive, il est temps. Tu fais passer des messages, t'es le rappeur conscient, hein? T'es qu'un rappeur de passage. Si tu buzzes avec un nouveau son chantant, avec ces clichés on peut pas dialoguer. Les rappeurs se retrouvent sans cesse catalogués. Alors pour se mettre dans le moule, leurs sons sont formatés comme de la pâte à modeler. Je trouve tout ça archi bidon. Disons que tous ces stigmates en disent long. Fiston sur leur petite mentalité et leur vision. Je me tape du genre que vous m'attribuerez. Je ferai la musique que j'aime. Vous serez forcé de vous y habituer. Je suis dans le game maintenant, j'arrive pour prendre les devants. Ouais. C'est l'MC que tout le monde attend. DS arrive, il est temps. Le rap s'est travesti des styles, manque de flow dans leur freestyle. Trouve ne plus reconnaître le vrai hip-hop depuis que l'autotune le distille. Arrêtez ça les faux, vous savez déjà que c'est faux. Tout est destiné à changer, c'est dans l'ordre naturel des choses. Et tant mieux si on a des sons aussi divers et variés. Flemme d'entendre encore 10 ans de sons sur la misère des quartiers. Personne n'est retenu par les deux bouts. Y'a des milliers de rappeurs, si t'es map tes coups tapés, viens pas casser les yokous. Le hip-hop a changé. Faites pas les étonner, venez pas me questionner sur cette évolution. Si t'aimes rap, ah bon? Bah, si t'aimes rap, t'écoutes, tapez bien pas casser les yeux. J'suis dans le game maintenant, j'arrive pour prendre les devants. Ouais. C'est l'MC que tout le monde attend. DS arrive, il est temps. Musique, hip-hop. Ouais. Ouais.